Vous aimez venir à Paris? Oh oui, j'y viens souvent, vous savez. J'aime le théâtre, les expositions et surtout les boîtes de nuit. Vous connaissez la boîte chez Loulou? Non, mais j'en ai vaguement entendu parler. Nous pouvons y aller un de ces soirs. Et n'oubliez pas de venir dîner à la maison ce soir. Vous êtes très aimable, merci. Et à part ça, qu'est-ce que vous allez faire à Paris? Parler à faire, j'espère. Mais je veux aussi prendre des photos. Je veux en prendre beaucoup. J'utilise quelquefois certaines de mes photos pour illustrer nos réclames. Hier, j'ai acheté des pellicules. J'en ai acheté 5. Vous connaissez déjà l'objet de ma visite? Oui, j'ai reçu votre lettre du premier. Voyons, où est-elle? Ah, nous recevons tellement de lettres, et ma secrétaire et ma dactylo ne sont pas très ordonnées. Elles reçoivent les lettres et elles les égarent. Ah, voilà votre lettre. Voyons. Je voudrais lancer une campagne de publicité intensive pour notre marque de bicyclette. Mais comment donner à la bicyclette, ce moyen de transport démodé, un attrait nouveau? Oui, voilà le problème. Eh bien, résolvons ce problème. Voilà, messieurs. Merci, Chantal. Alors, buvons à l'avenir de votre usine.